أما النون التوكيد المباشرة celle qui touche directement le fi'l tamam sans qu'il y a un fasil entre les deux, une chose qui sépare, نعم بها يبنى الفعل تمام le fi'l sera mabni tamam comme on a pu le voir مثلا avec la taf'alanna مثلا tamam la taf'alanna kada tu vas faire ceci en appuyant avec le toukid pour lui dire certes tu vas faire cela tamam donc là il est quoi on ne dira pas le marfou' il sera mabni pourquoi parce que le toukid que ce soit al mushaddada al mukhaffafa comme il dit al thaqila ou al khafifa al mukhaffafa تمام الثقيلة سلك لك لشدة الخفيفة سلك شان شدة لسك المباشرة بالفعل تمام الفعل يجب أن يكون المضارع مبني على الفتحة تمام في وضع بين فتحة أظن نون التوكيد تمام كما أنا ديسي لا تفعلن تمام لا تفعلن نعم كذلك نون النسوة إيه لسك نون النسوة تتصل بالفعل إسخ مبني على السكون تمام هؤلاء النساء تطلبنا العلم تمام هؤلاء النساء تطلبنا العلم ou plutôt il y a le bonheur non on a évoqué Kadalika une autre chose tam ça c'est une partie lorsqu'il dit la miyattasil bi akhri shay ay ma lam yujib al bina comme tu as évoqué non niswa et non toki on avait évoqué Kadalika une autre sorte de chose que lorsque le fi'l mudari' isra muttasil bi hadhihi al ashiya et bon on pourra pas dire qu'il est quoi marfou' bi adamma vas-y تفضل je calme la main j'ai pas fait attention parce qu'on prend hein on n'ajoute pas un damir parmi ya al-mukhataba wa waw al-jama'a ou alif al-tasniyah al-ithnay na'am tam si on voit un fi'l mudari' ittasala bihi hawla al-damair c'est damair la si jamais sont muttasil bil fi'l al-mudari' que ce soit waw ya al-mukhataba taf'alina waw al-jama'a yaf'aluna wa alif al-ithnayn qu'on appelle tasniyah tam mathalan yaf'alani il sera pas marfou' ou plutôt il est marfou' mais il ne sera pas marfou' bi ash بالضمة تم كما وضع إن شاء الله سخمر فوع بثبوت النون بس كل النون إليه إلى ثابت تم وضع إن شاء الله سأسي عن دي بوان لوسون إن شاء الله venir aujourd'hui إن شاء الله سيالله يفسد نعم تمام دوك لا لقصنا دي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أي لم يتصل بآخره ما يوجب البناء à partir il sera marfou avec la dhamma à partir du moment qu'il y aura pas une chose qui va être accrochée à lui qui va obliger qu'il va de quoi mabni ou bien une chose qui va être accrochée avec lui يعني qui va faire que la situation de raf va changer ça sera plus par la harakat lakin ça sera bil huruf tam comme on a dit ou yani lam yattasil ba akhri shay ma yujibu tahwil al i'rab c'est à dire qu'on va modifier l'i'rab tam au lieu qu'il sera marfou' bi adamma il sera marfou' bi thubut al nun tam ça c'était la khulasa de la leçon la dernière leçon tam inchallah on poursuit قال رحمه الله تعالى قال أما الواو تمام لا يوكي لا سي لا دوزيام علامة لا بروميير علامة دو رفع اون ا بي لوار سي ضمة وهي علامة الأصلية الآن ثنى المؤلف رحمه الله تعالى بالعلامة الثانية وهي الواو قال أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين الاسم بيتو لا كلمة كي سخا مرفوعة تمام افيك لا واو سا سخا دون دو موضوع تمام كما قال في موضعين دون دو موضوع كيل سون سي موضوع موضوع بيتو قال في جمع المذكر السالم كما نا بيلوا تمام جمع المذكر السالم نو نا با بيلوا نا انا بيلوا او بعضا جمع المذكر السالم نعم اسخا لوسكي اسخا مرفوع اسخا مرفوع بالواو تمام اسخا مرفوع بالحروف تمام يا دي شوز كي سون مرفوع بالحركات ضمة كسرة فتحة سكون الى اخره اذا اشياء كي سون مرفوعه بالحروف كم سي كاي سي دو كوا du jam' مذكر سالم si jamais le marfou ce sera quoi bi al waw donc مثلا كلمات المسلمون تمام lorsqu'on dit مثلا جاء المسلمون les muslims sont venus تمام جاء المسلمون المسلمون جاء معروف سان فعل ماضي مبني على الفتحه والمسلمون فاعل مرفوع بالفعل يعني بجاء وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم دونك العلامه كي مونتك المسلمون الى مرفوع سي كوا سي الواو تمام باسكو سي ان جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم باكو انا بي دو لا سورت جمع باسكو يدل على الجمع اي كوم انا بي فوا الجمع يعني عند العرب سي ثلاثه فما فوقها سا بارتير دو 3 جوسكا يعني لانفيني تمام Et certains ont fait, il y a une divergence dans cela, certains disent à partir de deux. La kiyana sahih, c'est à partir de trois. مذكر لأنه يدل على التذكير تمام لو ماسكولين تمام لو بلوريال كي يوتيليزي بور لو ماسكولين سالم لأن الجمع تمام سالما من التغير تمام lorsque tu prends le jam et le mufrad تمام ils ont le même bina sauf qu'on lui a ajouté quoi le waw et le nun. La définition du jam مذكر سالم كما قالوا قالوا هو ما جمع بالواو والنون في حالة الرفع وبالياء والنون في حالة النصب والجر. Je répète, جمع مذكر سالم, c'est quoi sa définition? ما جمع بالواو والنون تام بزيادة الواو والنون في حالة الرفع وبالياء والنون في حالة النصب والجر أو الخفض يعني كما شئت. Donc le jam mudhakkar salim, c'est quoi? C'est le jam. Comme on a pu le voir, qui indique que c'est le genre masculin et sont plusieurs salim parce que ça n'a pas changé. Le bina, le asl du mufrad avec le pluriel, c'est la même chose. C'est le même bina. Ils ont dit c'est celui qui indique un pluriel auquel on a ajouté quoi? Un waw et un nun fi halat al-raf lorsqu'il est marfou. Ou bien un ya ou un nun lorsqu'il sera quoi? Fi halati al-nasbi والخفض أو كما شئت الجر. تام. لص كيسخا مجرور ربيع منصوب. لص خالك لويا. لص كيسخا مرفوع. لص خالك واو. لص خالك لواو. سو بس كيسون دي ما جمع. تام بزيادة الواو والنون في حالة الرفع وبالياء والنون في حالتي النصب والجر. تام. سو سكوا الجمع مذكر السالم. نعم. تام. سالم مثلا مسلم. تام. مسلمون. مسلم. tu vas rajouter pour évoquer le pluriel مسلمون. tu vas rajouter quoi le واو والنون. تام. قال نعم سهل سامح نكون بسوي. قال رحمه الله تعالى وفي الأسماء الخمسة قال وهي أبوك وأخوك وحموك تمام وحموك أو تبدي وحموك وفوك وذومل. Le deuxième endroit où tu peux trouver une كلمة مرفوعة بالواو c'est في الأسماء الخمسة. و tu verras dans d'autres livres qui dit الأسماء ستة تمام. Il y en a qui ont évoqué un autre qui est quoi? Wahanouka. Wahanouka. Inch'Allah, ça c'est dans un autre livre. Al-Muhim, contente-toi de ces cinq-là. Ceux qu'il a évoqué, Abouka, wa Akhouka, wa Hamouka, wa Fouka, wa Zumal. Fa al-Ism, al-Asma al-Khamsa, pourquoi ils ont été appelés Asma al-Khamsa? Liannaha Asma. Wa dalil ala annaha Asma. Un fois, j'ai une question la dernière fois, vous avez dit. Vous avez dit que non, cela ne disait pas. Mais là. Al-Af'al al-Khamsa. Là, là, Al-Af'al al-Khamsa. Ah, ça va venir, Inch'Allah. Lakin al-Sahih, c'est quoi? Al-Amthilatu al-Khamsa. En disant quelques arabes, j'ai compris. Comme ça, on dit. Alors, on va le voir. Lakin al-Sahih, c'est quoi? On ne dit pas Al-Af'al al-Khamsa. Pourquoi? Même lui le dit, t'as. Il y a un khilaf, il y a un khilaf. Celui qui veut dire Afral Khamsa, il le dit. Celui qui veut dire Amthilatul Khamsa, il le dit. Lakin, عند المناقشة, lorsqu'on étudie ce khilaf-là, lequel des aqwal il est aqrab ila sawab, c'est celui qu'ils ont dit Amthilatul Khamsa. Pourquoi? Parce que Afral Khamsa, mais en tel cas, c'est quoi? 5 verbes. Est-ce que lorsque tu dis Tafhalina, نعم يفعلون تفعلون يفعلان تفعلاني, est-ce que c'est 5 verbes? Là, c'est qu'un verbe. T'as, c'est le verbe quoi? Fa'ala. Lorsqu'ils utilisent Af'al al-Khamsa, ils évoquent toujours ces cinq mots que je viens d'évoquer. Taf'aloun, plutôt Yaf'alina, Taf'alani, l'akhiri, les mots que je viens d'évoquer. Et ils appellent ça Af'al al-Khamsa. Alors qu'ils sont, ils sont quoi? Au nombre de quoi? C'est qu'un verbe. Tam. Lakin, on dit Amthilatu al-Khamsa parce que c'est quoi? C'est 5 exemples. Tam. C'est pour ça qu'ils sont venus, ils ont dit en vérité, on ne dit pas Af'al al-Khamsa. Ce qui est plus juste de dire c'est quoi? Amthilatu al-Khamsa. Pourquoi? Parce que c'est pas 5 verbes, lakin c'est 5 exemples. Amthila, c'est le djem de quoi? Mithal. Tam. C'est le djem de Mithal. Donc c'est pour ça qu'on dit Amthilatu al-Khamsa. Et tu verras dans d'autres kutub, ils disent Amthilatu al-Khamsa, ils disent pas quoi? Af'al al-Khamsa. Tam, comme on a pu le voir. Al-Nuha, tam. Ils ont plusieurs écoles. Hein. Enfin, les deux écoles qui sont connues, c'est celle de Basra et Koufa. Donc, il y a des khilafs. Comme dans le khilaf, on a pu voir avec quoi? Avec El et Aliflam. Hein.

ونعم محمد وعبد الله يطلبان العلم. تمام محمد وعبد الله يطلبان العلم نقصد خالد ما يعرب مبتدا الى اخره. تمام سوف كوا لا دونك اون افي دي كوا يطلبان اون ديرا فعل فعل مرفوع فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الامثله الخمسه. سي كوا الدليل كي في بارتي د الامثله الخمسه سي كوا لو الف الف التثنيه لو الف التثنيه il est venu s'accrocher au fiel, donc ça montre que quoi c'est, il fait partie d'Amthila al-Khamsa. Kazalika, yani Muhammadun, wa Hamidun, wa Abdullahi, yatlubuna al-Id. Même Arabe, sauf que quoi yatlubun, fi'l al-Mudari', marfou', wa alamat al-Rafi'i, thubut al-Nun. Limadha li'annahu min al-Amthilati al-Khamsa. Ashad dalil annahu min al-Amthilati al-Khamsa, ittisal waw al-Jama'a, qui est le fa'il huna, tam. Et dans toutes ces phrases-là qu'on a évoquées, si on a évoqué un mubtada, comme c'est le cas maintenant, on a dit Aminatou tatlubina al-ilm. S'il y a un mubtada, c'est qu'il y a forcément un khabar. C'est comme le fi'l. S'il y a un fi'l, c'est obligé qu'il y ait un fa'il. C'est impossible de trouver un fi'l sans fa'il. Donc là, il y a quoi? Mubtada, c'est obligé qu'il y ait un khabar. Et le khabar, c'est quoi? C'est la jumla qui va suivre. Parce qu'on va voir, inshallah, que le khabar, ça peut être quoi? Un ism mufrad, comme ça peut être une jumla ismiya, comme ça peut être quoi? Une jumla qui fi'liya. Donc après que tu as évoqué l'i'rab que j'avais évoqué pour Aminatou, تطلبين العلم تجيها كوا والجملة تطلبين العلم في محل رف خبر آمنة تمام تجيها que tout ça il est dans le محل رف et c'est le خبر de آمنة تمام. Donc ça c'est l'Arab pour le الأمثلة الخمسة lorsqu'ils sont quoi lorsqu'ils sont مرفوع بالنون أي بثبوت النون. Et une chose qui est bien d'ajouter je viens de me rendre compte الآن تمام pour ce qu'on avait évoqué dans halamat al-raf avec la damma pour le fi'l al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhirihi shay. On avait pu évoquer c'est quoi shay? Ay c'est pas nun al-niswa ni kadhalika barakallahu fikum nun at-tawkid al-mubashara wa la kadhalika al-damir al-jusma al-amthila al-khamsa tam que soit liya al-mukhataba waw al-jama'a ou alif al-tasmiyah tam c'est pas l'une de ces cinq choses, tamam. Laquelle il faut rajouter kadhalika et une autre condition. Tamam. Il ne faut pas qu'il y ait avant le fi'l al-mudari' une chose qui oblige, qui va être quoi madzoum ou bien mansoub. Tamam. Il faut qu'il soit mujarrad, comme ils disent. Mujarrad, c'est-à-dire qu'il est dénudé de choses qui vont influencer son i'rab et qui vont le changer en mansoub ou bien quoi en mansoub ou bien en madzoum, tam, parce qu'on peut trouver un fi'l mudari' dans lequel on ne trouve pas nun al-niswa. Tam, mathalan atlub, tam, atlubu ana, tam, ana atlubu, tam, ou ana, n'am, ana atlubu, tam. Donc on ne trouve pas nun al-niswa. Il n'y a pas kadhalika nun al-tawkid, les deux, il n'y a pas les nun al-tawkid, il n'y a pas l'ya, il n'y a pas le waw et il n'y a pas l'alif. Donc il faut faire attention aussi. Il faut voir avant le verbe est-ce qu'il y a une chose qui va le rendre, qui va changer son i'rab kadhalika vers le nasb, awash. Al-jazm. T'as un mathalan si jamais je trouve avant lam atlub al-ilma inda mubtadi' mathalan. T'as lam huna ou plutôt atlub huna il sera pas marfa. Lakin il sera quoi? Il sera madzoum. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui a changé son i'rab. T'as même. Donc il faut rajouter à cela. T'as il faut rajouter lam yattasil bi akhri shay wa yakun mujarradan min al-nawasif wal-jawazim. T'as même. Wa yakun mujarradan min al-nawasif wa al-jawazim, tam, et qu'il est dénudé des choses qui vont nous rendre mansouf, tam, et des choses qui vont nous rendre majzoum, tam. Je vais l'écrire inchallah pour ce que ça c'est pas évoqué. C'est quoi le jawazim? Ce sont les awamin, tam, les choses. C'est le jam awamin, c'est le jam de hamil, les choses qui vont rendre le fi'l majzoum, comme on va le voir. Lam, wa lamma et l'akhir. Et ni nawasif, les choses qui vont rendre le fi'l mudari' qui soit comme mansouf, tam. Donc il faut rajouter cela, tam, il faut rajouter cela. Lorsqu'il a évoqué, yani dans alamat al-raf bi damma al-fi'l al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhri shay, on avait évoqué c'est quoi shay la kadhalika an yakuna mujarradan bil jawazim wa an yakuna mujarradan bil jawazim wa an-nawasib. Et kadhalika vous le rajoutez dans lorsqu'il sera marfou' bin nun. Tamam, il a dit il sera marfou' bin nun idha ittasala bihi damir tathniya aw damir jam'in aw damir mu'annathati al-mukhataba wa an la yakuna wa an yakuna plutôt mujarradan bil jawazim wa an-nawasib kadhalika huma. Tamam. Parce que si jamais on le trouve, مثلاً تفعلاني, et on trouve une chose qui va rendre mansoub, tam, مثلاً لن, tam,